Les rainures des pneus ont pour rôle principal d'évacuer l'eau. Lorsqu'un pneu est lisse, il ne peut plus assurer cette fonction. Les distances de freinage sont alors plus longues et le risque d'aquaplaning augmente considérablement. Pour que les conducteurs puissent contrôler les pneus, des témoins d'usure sont placés dans les rainures principales en plusieurs endroits. La profondeur de sculpture minimum tolérée, qui est de 1,6 mm, est atteinte dès que le profil est usé jusqu'aux indicateurs. Réponse B.